Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous et bienvenue, les portes du Blues Café Live sont ouvertes pour une heure en live et en public. Nous sommes en direct du Millennium de l'île d'Abo pour le Blues Café Live numéro 124. Bonsoir 124, Francis. Déjà. Bonsoir déjà. Cédric, oh là là, ça ne te rajeunit pas tout ça. Cédric d'ailleurs, je te sais plutôt gourmand de plats bien relevés. Moi aussi d'ailleurs, ça tombe bien, car ceux qui montent maintenant sur la scène du Blues Café sont aussi de sacrés adeptes de plats pimentés et épicés. Peut-être pas les mêmes d'ailleurs que nous. Ils étaient déjà venus ici il y a quelque temps et ils avaient démoli notre bon public. Exact Francis, et ils ont non seulement la ferveur du sud, mais aussi la chaleur d'un gambo qui vous met le gosier plus brûlant que n'importe quel vieux rhum. Le feu de cette formation va ce soir gagner le Millennium. Nous y sommes donc prêts, voici donc Jessica Hackey au chant, Laurent Galichon à la guitare, Denis Bourdier à la basse, Serge Osier au clavier, Nico Saran à la batterie. Mesdames et messieurs, sur la scène du Blues Café, les Red Beans and Pepper Sauce. We'll be right back. sont ce soir nos invités dans le Blues Café Live, Red Beans and Paper Sauce. Les Red Beans and Paper Sauce, ils sont nos invités ce soir dans le Blues Café Live avec ce morceau aux allures de Pink Floyd. On leur en reparlera dans quelques instants. Voilà, vous êtes bien dans le Blues Café, c'est une émission un peu particulière pour nous ce soir puisque nous voulons la dédier à un ami qui nous a quittés un petit peu brutalement, un ami du collectif des Radio Blues, quelqu'un qu'on connaissait depuis très longtemps, c'est monsieur Pierre Sabater. Pedro Sabater, qui était connu dans le monde du blues sur son surnom Pedro, quelqu'un de très attachant, de généreux et qui a disparu début janvier dans l'incendie de sa maison. Un type qui faisait une émission près de Rennes, quelqu'un qui fabriquait des cigar box, quelqu'un qui faisait des petits festivals bricolés dans le jardin de sa maison le long de la Vilaine en découpant des vieilles caravanes pour faire des scènes ou des bars. Quelqu'un qui avait une générosité grosse comme un cœur de blues. Voilà, alors on lui dédie cette émission. Il est parti, nul doute qu'il nous écoute là-haut ou en dessous, je ne sais pas. Avec la musique du diable, ça peut être aussi en dessous. Et je pense aussi que vous le connaissiez, Pedro, ou tout au moins de nom. Un petit peu. On a fait connaissance grâce à Internet, grâce à Facebook même. Il a été un des premiers à diffuser un de nos premiers albums, c'était dès 2013. Il nous a invités dans son émission, comme ça, à discuter. Puis on a gardé le contact après par Facebook, comme on fait tous en fait. Et puis on espérait même se croiser sur un festival pour que je puisse essayer ces cigar box. Et puis bon, le destin en a voulu autrement. Vous allez d'ailleurs peut-être jouer, tu nous disais en antenne que peut-être que tu allais dédier au moins un titre pour lui. Je sais que j'avais remarqué que son kiff, c'était le jeu slide, les dobros, il fabriquait des cigar box. Donc effectivement, on a des morceaux que je vais jouer au dobro, donc on s'est dit que ça sera une bonne occasion, voilà, comme ça, de lui faire un petit clin d'œil. Voilà, on a une belle pensée pour lui en tout cas ce soir. Red Beans and Paper Sauce, c'est le nom de votre groupe. L'album s'appelle Red. Alors, vous aimez bien, dans les noms d'albums, aller chercher une partie du nom du groupe. Il y avait un album qui s'appelait Who Made the Sauce. Celui-là s'appelle Red. Est-ce qu'elle a été faite, la sauce, finalement ? Ouais, je peux te confirmer que ouais. Celui-là s'appelle Red. Peut-être que le prochain s'appellera Mr. Bean, non ? Puisque vous n'avez pas encore utilisé le Beans. Ouais, mais... il va pas tarder à mourir, on y fera un hommage, ouais. Red, pourquoi aussi ? Parce que votre blues rock est de plus en plus brûlant. C'est ça. En fait, par rapport aux albums précédents, il y avait quelque chose de plus rock, de plus animal dans les compos. Bon, c'est venu comme ça. On a essayé de suivre au niveau de l'inspiration ce qu'on faisait sur scène. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus brut et rock, finalement, dans la façon dont on jouait nos titres sur scène. Donc les nouvelles compos sont parties dans ce sens, c'est devenu un peu plus rock. Et puis donc on cherchait un nom, et puis comme ça, en brassant des idées, on s'est dit Red, ouais. Après c'est vrai aussi que pendant les séances studio dirigées par Nico, on a souvent vu le rouge apparaître sur les boutons de la table de mix. Ça faisait sauter la table. Voilà. Saran, qui est votre batteur. Alors on va revenir juste un tout petit peu en arrière parce que on vous a principalement connu lors d'un tremplin au Festival de Cahors, tremplin que vous avez non seulement gagné, mais vous avez raflé une majorité des prix, je crois, non ? Oui, à l'époque, il y avait, je ne sais plus, il y avait un paquet de prix, 5 ou 6, un truc comme ça, on en a gagné. On a eu la chance d'en gagner 4, on était très heureux parce qu'on venait de nulle part. Et puis. Et vous êtes arrivé nulle part depuis, donc. C'est très bien, c'est là qu'on habite. C'est en 2013, hein, si j'ai bonne mémoire, c'est ça, non ? C'est ça, ouais, c'était voilà. Le deuxième album, et puis bon, depuis, voilà. Alors, il y a une autre... Alors ça, c'était un petit rappel historique, mais peut-être on peut demander aussi à Gisquet, qu'il y a quelque chose qui nous étonne, parce que vous êtes une jeune formation, et souvent dans les jeunes formations, on le verra dans le groupe d'ailleurs qui viendra le mois prochain, les musiciens changent. Et vous, depuis le début, vous êtes les mêmes, et vous êtes toujours ensemble, ou presque. Oui, on est potes aussi, donc... Ça on n'en sait rien, ça. Voilà, je vous le dis, on est amis. Et donc, du coup, oui, c'est la même formation qui tourne depuis 3-4... Depuis 2012. Depuis 2012. Voilà. Alors, faites attention, parce qu'on en a connu qui sont restés ensemble pendant au moins 20 ans, à WEC, notamment. Ouais, ça pourrait vous arriver, faites attention. Hein. Vous risquez de terminer comme eux quand même. C'est vrai ? Ouais. On les embrasse d'ailleurs. Non, ouais. Je tiens mes cheveux. Ouais. On les embrasse. Ouais. Alors, ça commence à faire une petite carrière quand même, tout ça. Et vous avez notamment eu la chance de croiser beaucoup d'artistes. Vous avez fait beaucoup de premières parties de très grands noms. De faire des premières parties, est-ce que ça vous irrigue aussi un peu dans vos inspirations, dans vos choix artistiques ? Toutes les rencontres en général, en fait, que ce soit des noms qui sonnent ou des noms, des fois on joue avec des groupes qui ne sont pas plus connus que nous. Et tout ce qu'on écoute, de toute façon, tout se transforme, en fait, tout ce que tu entends, tout reste là quelque part et ça finit toujours par ressortir un jour. Des fois, une idée d'un riff va me venir d'un morceau célèbre ou d'un groupe célèbre, et puis des fois d'un groupe que j'ai entendu. Dans un festival ou dans un bar, quelque part. Alors, comment ça fonctionne, le groupe ? Qui insuffle un peu le style, les morceaux ? Bon, je sens bien que Laurent, quand même, t'es à l'initiative de la formation des parts. Jessica, alors, vous êtes un groupe, il faut le rappeler, un groupe du nord de la France, l'accent que tu as, Laurent, donc. Là où il y a du soleil tout le temps. Adenana, ça j'en sais rien, peut-être. D'une ville près d'une ville, bon, dont on n'aime pas forcément le maire, mais ça c'est autre chose. Béziers. Je vote pas à Béziers, donc c'est pas ma faute. Non, je sais bien. Par contre, Jessica, toi, tu as fui ce lieu-là parce que voilà, tu es partie. Je suis partie de cet endroit et bien contente et je suis sur Paris. Voilà. Bon, alors tu es sur Paris, mais tu n'es pas venue sur Paris uniquement parce que c'était Paris, mais parce que pour parfaire, peut-être, pour travailler. Voilà, pour travailler, effectivement, dans le sud, j'étais limitée au niveau des profs ou des formations qui pouvaient être proposées. Donc, sur Paris, évidemment, il y a beaucoup plus d'écoles et de profs. Donc, c'est pour ça que je suis partie aussi, pour me former et apprendre. L'apprentissage de la voix, toujours pareil, qui ce soir est bien fatigué. Oui, on a l'impression. Hein. Voilà, oui, bah oui, je me traîne une petite angine bien sympa. Tu vas rester un mais petit peu éloigné. Mais je la garde pour moi, je vous assure. Je la garde. Pour les répètes, ça se passe comment, la Béziers-Paris, du coup ? On répète pas. Ah, jamais. D'accord, c'est pour ça. Jamais. Les répètes, ça nous fait du mal. Non, en fait, quand on a fait un album, en général, on fait une résidence. Pendant quelques jours, une semaine, on travaille les morceaux bien. Et puis après, finalement, on enchaîne beaucoup de dates, donc il n'y a pas vraiment besoin de répéter. Là, ça faisait un petit moment qu'on était en pause, là, quelques semaines, mais ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, dans cet album donc, qui s'appelle Red, j'ai noté que la production, c'était Nico, qui est là, donc, bien sûr, qui est à la batterie, Nico Sarron. On peut l'applaudir parce que c'est lui qui a fait toute la production artistique de l'album. On aura peut-être l'occasion d'en parler avec lui tout à l'heure dans l'autre échange. Mais et on peut doublement l'applaudir, puisque je crois qu'il a écrit aussi une grande partie des textes. C'est rare qu'on donne autant. Non, ça c'est. On va rendre hommage donc à Serge, Serge Osier, le clavier qui a. Bah, qui, Je me disais, ça faisait quand même beaucoup pour un batteur tout ça. Mais... oui, non, les batteurs qui écrivent les textes, il y en a. Donc vous avez tous des talents. Quasiment. Revenons aussi sur ce titre qu'on a écouté, que le public a bien apprécié là, et qui nous a donné un fort goût et des effluves de Pink Floyd. Ouais, j'ai trouvé ta guitare très, très guilmourienne. Oui, ça fait partie des... Bah, c'est quand même une légende, le type. Hein, c'est pas, il fait partie des sources d'inspiration de beaucoup de guitaristes, il n'y a pas que moi. C'est, Il est sur l'album ? David ? Non. Pas David, le titre. On y a demandé, mais c'était pas possible. Le titre de morceau. Non, il était sur l'album précédent. Ah bah voilà, c'est pour ça, je n'ai écouté que le dernier, pour juste avant, et je ne me souvenais pas. Il est sur le précédent dans une version un peu plus courte, parce que bon, là, voilà, c'est une version pour la scène, un petit peu rallongée, avec des... C'est un peu difficile de faire ce genre de choses dans un studio, comme ça, tout seul, sans public, de faire des ambiances comme ça, qui sont assez profondes. Moi, j'ai du mal à faire ça en studio, donc on avait fait plus court. Et pour la scène, on a dit, allez, on se fait plaisir. Là, tu t'es cru à Pompéi, devant des milliers de personnes. On va faire une petite pause. On vous retrouve juste après sur scène. Le temps pour nous, Francis, d'écouter quelqu'un que tu as bien aimé, Samantha Fish, et un album qui vient de sortir, Belle of the West, une artiste qui est assez prolixe, puisqu'elle a sorti deux albums durant l'année 2017. Oui, je peux même dire que c'est pas habituellement, je suis pas un grand fan de Samantha Fish, mais cet album est très particulier puisqu'elle l'a enregistré avec des musiciens du Mississippi, des collines du nord du Mississippi, donc un peu moins blues rock, beaucoup plus roots et englué dans ces collines avec Dickinson et d'autres gens, Fisk Kimbrough ou Burnside, je ne sais plus qui il y a aussi sur cet album, et ça donne une sonorité différente. On l'écoute avec No Angels avant de retrouver Red Beans and Pepper Sauce. Vous êtes bien dans le Blues Café Live, on retrouve tout de suite les Red Beans and Paper Sauce. Ils viennent nous parler de leur tout dernier album qui s'appelle Red. Vous êtes bien dans le Blues Café Live avec ce soir les Red Beans and Paper Sauce sur la scène du Millennium. Thank you. Red Beans and Pepper Sauce. Ils étaient sur la scène du Blues Café en live et en public. Vous le savez que vous pouvez venir gratuitement assister à ces émissions, à ces enregistrements. C'est au Millennium, c'est à l'île d'Abo, c'est gratuit. Et toutes les dates sont sur le www.bluesactu.com. Il a tout dit. Et presque tout dit. J'aurais pu dire peut-être, Francis, que pour les gens qui aiment la musique et les extraits que nous diffusons, nous avons désormais une playlist qui est accessible sur notre site, que vous pouvez écouter 24 heures sur 24 avec nos coups de cœur et les choix. Exactement, c'est comme tu le dis, cette playlist, ce n'est pas les morceaux qu'on passe forcément dans le Blues Café, mais il y en a. C'est des coups de cœur et puis parfois de la musique un peu différente. Comme on aime, tout simplement, c'est la playlist du Blues Café. Tiens, on a des gens à côté de nous. Alors, nous avons Laurent avec nous au micro et nous avons Nico Saran à la batterie. Tu as une frappe d'enfer, hein ? Merci pour elle. Merci pour elle. Alors, on disait tout à l'heure, Nico, que c'est toi qui avais... tu vas prendre le micro. Je prends le micro. Qui avait produit en fait cet album Red. Produit, j'entends la production artistique, non pas la producteur exécutif, celui qui amène les sous. Toi, tu as amené les sons, en quelque sorte. J'ai amené, oui, les sons. Oui, on m'entend bien. Oui. Voilà. J'ai amené les sons, une certaine façon de voir aussi cette musique-là, dans un univers très classique, qui est musique plutôt type classique rock, blues rock. Essayer de lui amener un son plus moderne. Parce que tu jugeais que c'était ça l'était moins avant ? Non. Enfin, si, il faut le dire. C'est le premier album que tu produis, c'est ça pour Red Beans ? C'est le deuxième. Tu avais produit le précédent. D'accord. Hot and Spicy aussi. Donc, pour moi, c'était essayer d'aller encore plus loin dans l'approche qu'il y avait eu dans Hot and Spicy. Et de pousser le bouchon au niveau du son un peu plus loin et de la production. Alors concrètement, ça veut dire quoi quand on veut, parce que nous sommes tous des néophytes et des passionnés, on écoute mais on ne se rend pas forcément compte ce que cela signifie concrètement lorsque tu dis par exemple pousser le son dans un style plutôt qu'un autre. Alors ce n'est pas seulement pousser le potard, j'imagine, c'est tout un travail de cohésion entre les instruments, peut-être mettre un instrument plus qu'un autre en avant. Comment dire ? Parce que là, ça rentrerait dans des phases assez techniques du son. Disons que j'ai mixé les Red Beans comme j'aurais pu mixer les Red Hot, peut-être. Un album comme Muse ou dans un style de musique qui n'a rien à voir avec du blues, quoi. Parce que tu as ton propre studio, c'est ça ? Oui. Et du coup, tu enregistres quel type de groupe ? Moi, je fais beaucoup de musique rock, de musique blues et de musique électronique aussi. D'accord. Voilà. Alors, lorsque tu produis un album comme celui-ci, Red, mais non pas Red, Red. Alors, je suppose que quand même que c'est en accord avec les autres, et notamment Laurent. Comment ça se passe, Laurent ? Alors, c'est toi qui donnes un peu les directives. Je veux que ça soit comme ça, débrouille-toi. Il te dit, lui, je veux un son plus moderne que ce que tu faisais avant. Ouais, mieux déjà que ce que je faisais avant, puisque j'avais produit les deux premiers albums, mais je suis vraiment un débutant. C'est plus du mixage que de la vraie production. Nico nous a apporté ça dans le groupe, une vraie production avec un vrai objectif et une vraie ligne. Quant aux instructions, c'est lui. Moi, je me contente de donner les instructions quand on fait les compos. J'amène le matériau, puis j'exprime des idées, puis les uns font avec leur façon de jouer, avec leur jeu. Mais pour ce qui est de la production, c'est plutôt Nico qui m'envoie des propositions. Il dit voilà, j'ai fait ça sur le mix, qu'est-ce que tu en penses ? Bon, on échange, mais bon, en général. Et c'est pas compliqué d'avoir justement son producteur dans son groupe aussi ? Non, c'est plus facile parce qu'il est avec nous sur scène. C'est plus difficile de se fâcher avec son producteur du coup. Parce que tu perds le producteur, le batteur. Voilà. Voilà. Non, mais il est avec nous sur scène, donc il ressent la musique vraiment de l'intérieur, ce qu'on fait. Donc on ne peut pas vraiment mieux nous produire. Mieux, je ne parle pas de qualité, je parle mieux dans l'esprit. Il ne peut pas être plus proche de ce qu'on fait que quelqu'un qui serait extérieur au groupe, tout simplement. Alors, pour aller un peu plus dans cet album, un tout petit peu, il y a un titre, moi, qui m'a énormément séduit. Vous allez pouvoir en parler peut-être tous les deux. C'est « Flying High ». Un titre un peu bluesy quand même, hein. Donc bon, moi j'aime le blues bien sûr, hein. Avec quand même quelques effluves hendrixiennes, non, je me trompe ? Oui, c'est dans la partie guitare, effectivement. Il y a plein de j'ai beaucoup bossé, Jimi Hendrix, forcément, comme beaucoup de guitaristes. Mais j'ai même joué dans un tribute pendant quelques années, donc il me reste plein de choses. Ça m'a permis d'apprendre plein de vocabulaire. Donc dans ce morceau, ça y est beaucoup. Mais ce morceau, c'est surtout, il était intéressant, c'était un tournant pour nous, puisque jusque-là, je faisais musique, je faisais paroles, je faisais aussi les mélodies. Et puis là, pour le coup, les paroles, on a pris un parolier externe, Jessica, oui, qui nous a fait un texte. Parce qu'en fait, Jessica avait... moi, j'ai envoyé juste la musique, sans mélodie. Et c'est Jess qui a composé totalement la mélodie. C'était la première fois comme ça qu'elle s'impliquait. Parce que la mélodie, c'est la moitié d'un morceau. Hein, c'est juste la moitié. Quoi. Donc, la voix de Jessica, c'est l'autre moitié. Si tu veux, ouais, mais je veux dire, la, ça fait beaucoup de moitié. Ça dépend de la taille des moitiés. Il ne reste plus grand-chose, quoi. Et donc voilà, elle a amené quelque chose comme ça de neuf, une mélodie que moi j'aurais pas pu écrire, je suis pas chanteur, donc voilà, ça s'est mélangé avec la guitare hendrixienne qu'il y avait, puisque tous les autres musiciens ont apporté. Que racontent vos textes justement ? Alors je sais que c'est pas toi qui les écris trop sur cet album. C'est nouveau d'ailleurs, c'était toi qui les écrivais précédemment, non ? Oui, mais j'en avais marre. D'accord, donc t'as passé la main ? Puisque personne ne comprend l'anglais, personne ne comprend ce que j'écris. Non, plus sérieusement. Si tu les écris avec le même accent, c'est ça. C'est moi qui les chante. C'est un effet plus compliqué, peut-être. C'est pas moi qui les chante. Non, mais c'est bon. C'est vrai que c'est Serge qui a plutôt écrit, mais il sait qu'il écrit pour Jessica, donc il suit une certaine ligne, certaines inspirations. Il sait que ça, que Jessica peut le chanter. Il va pas faire des chansons de mec. C'est quand même assez varié comme style. Alors, je ne sais pas si c'est la patte de Nico ou la tienne, parce qu'il y a un autre morceau qui a retenu mon attention, c'est No Sin Today, qui me plonge, moi, dans mes racines des 60s. Un petit côté Who, même. Ouais, hein, un peu, c'est vrai, il y a même un petit côté Who, c'est ce que c'était voulu. Oui, qu'il acquiesce. Bah tiens, voilà, parce que moi, à la base, on vient de le jouer, c'est le morceau qu'on vient de jouer. Il y a un lick guitare qui est vraiment le truc assez classique, quoi. Et puis, ce qui était intéressant, c'était de voir ce que les autres allaient en faire. Donc, tiens. Alors, c'est un morceau très classique qu'on a déjà entendu finalement plein de fois avec d'autres groupes qui ont pu faire ce genre de shuffle. Donc, je voulais lui donner un côté plus power, plus rock, mais presque hard sur les bords, quoi. Bah ça le rend bien, hein, oui. Voilà, et le rendre plus full, quoi. Ouais. Et de donner cette couleur, du coup, assez heavy, qui le rend un peu différent de ce qu'on aurait l'habitude d'entendre sur un morceau comme ça, qui, au demeurant, est très classique et très déjà entendu, quoi. Donc, dans le traitement du son, essayer de trouver une autre couleur, de façon à ce que ce morceau puisse avoir un intérêt d'être écouté. Bah, c'est réussi, je crois que le public aussi a aimé ce dernier morceau. Hein. Il y a un invité aussi sur cet album qu'on ne connaît pas, sur un titre qui s'appelle Dead Spell. C'est Monsieur Pierre Andy Soa. J'espère que je le prononce correctement. Alors, avec oui. L'accent du sud-ouest en plus, ça doit être beaucoup mieux. À l'harmonica, est-ce que tu peux nous dire qui est ce Alors, monsieur ? Je vais laisser la parole à Nico, puisque c'est par Nico. Moi, c'est quelqu'un que j'ai vu sur scène il y a quelques années, dans le public, et j'ai flashé totalement sur son jeu. C'était aussi un grand chanteur. Mais Nico jouait avec, donc il en parlera mieux que moi. Pierre Andy Soa, c'est donc le chanteur, guitariste et harmoniciste d'un groupe qui s'appelait les Marvelous Pig Noise. Ah, oui, bien sûr. Bien sûr. Dont j'ai été le batteur pendant des années et des années. D'accord. Et sur lequel j'ai produit les deux derniers albums aussi des Marvelous Pig Noise. Laurent étant chez Dixie Frog à l'époque. Et Laurent étant un grand fan de Pierre, il voulait l'inviter sur l'album. J'ai dit, pas de problème, on va l'appeler, puis on va voir si ça l'intéresse. Et puis bon, ça l'a intéressé. Ah, il est arrivé. Belle référence, ce groupe, en tout cas. On a beaucoup d'anciens des Marvelous Pig Noise en ce moment. Ouais. Parce que la dernière fois aussi, on a eu le pianiste des Marvelous Pig Noise qui s'appelle Christian Bénard. Voilà. Et je crois qu'on a eu à peu près la même réaction qu'aujourd'hui quand il nous a dit qu'il était dans les morts. On dit, ah oui, mais c'est vrai, bien sûr. C'est un groupe qu'on a beaucoup suivi. Voilà, on ne se souvient pas forcément des noms, mais c'était un groupe qui a marqué la scène française, je pense. Qui était de Montpellier, non, je crois. Montpellier. Enfin, c'est ça. Bon. Quelques mots sur vos projets, pour le coup, parce que... Ah oui, il y a des dates. Les dates, est-ce que vous... Alors, les dates, c'est compliqué d'en donner trop dans l'émission, parce qu'elle va être amenée à être rediffusée, mais je me disais, par exemple, est-ce que vous auriez envie... Alors, pas forcément de faire un DVD, c'est un support qui est maintenant devenu peut-être un petit peu dépassé, mais le côté vidéo, c'est quelque chose que vous travaillez, parce que pour le coup, on ne l'a pas forcément trop dit, Jessica a une vraie présence sur scène aussi, vous êtes vraiment un groupe qu'il faut voir en live, il y a une toute autre dimension, je trouve, hein, quand on vous voit sur scène. Comment est-ce que vous allez travailler ça aussi ? Alors la vidéo, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. C'est moi qui réalise les clips du groupe. C'est, ouais. c'est une discipline que j'ai commencé à travailler il y a 2-3 ans et dans laquelle je me plonge totalement. Parce que dont certains ont pas mal de vues, hein, je crois, d'ailleurs, sur YouTube. Ouais, on a fait de jolis nombres de vues sur les dernières vidéos, 150 000, un truc comme ça. Et comme Nico s'occupe du son, moi, ça me laisse la place pour m'occuper de ça. On aime beaucoup la vidéo et on projette de sortir un Blu-ray, puisque le DVD, c'était... il y a longtemps. Mais c'est vrai que c'est... Je ne sais pas qui c'est qui m'a mis DVD sur mes fiches. C'est n'importe quoi. C'est des fiches de 90. Oui, c'est des vieilles fiches que tu as ressorties. Vous voulez sortir une cassette. Une VHS. Voilà, une cassette VHS. Voilà. Et ouais, donc on va essayer de sortir. On a pas mal de lives. On a pu être filmé, capté sur plein de lives. On n'a pas forcément sorti les vidéos. On a plein d'archives sur les deux dernières années. Quoi. Puis on va en avoir d'autres qui vont être filmées cet été. Donc voilà, à partir de la rentrée prochaine, entre septembre et Noël, peut-être pour Noël d'ailleurs, on sortira un Blu-ray comme ça avec plein de d'images de live, puis des interviews, plein de choses intéressantes. La vidéo, c'est vraiment devenu aujourd'hui pour les groupes un vecteur très important de promotion, à tel point qu'on peut même presque se demander si le disque pour la promotion, en tout cas, est toujours aussi utile qu'avant. Mais vous le ressentez, ça c'est un plus, ça ne remplace vidéo. Pas. Ouais. Oui, complètement. Mmh. Ça ne remplace pas, c'est juste un plus. Il faut toujours l'album, forcément, parce que c'est la création de l'album, en fait. Hein. Après, on fait de la vidéo, effectivement, pour la promotion. Bon, nous, ça, c'est quelque chose qui nous plaît. Mais aujourd'hui, avec Internet, c'est sûr que si tu te pointes juste avec un petit MP3 comme ça, ça va, c'est pas possible. Ah, puis je peux te dire que les programmateurs de festivals n'écoutent plus les disques des groupes qui leur envoient. Ils regardent les vidéos, d'abord parce qu'ils veulent avoir une impression de live aussi sur scène. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai que la vidéo est devenue un outil de promotion extrêmement important. Je pense que c'est du vécu, ouais. Parce qu'effectivement, pour la programmation de notre blues party, par exemple, Francis et moi, je pense qu'on s'appuie aussi beaucoup sur les vidéos. Ouais. Voilà. Ouais. Et on peut en profiter d'ailleurs pour dire qu'elle aura lieu le 9 juin. Non. Tu n'étais pas au courant ? Pas du tout. Le lendemain de mon anniversaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait la blues party, c'est pour l'anniversaire de Cédric, c'est le 8 juin. Et le 9 juin, eh bien, nous nous retrouvons dans les jardins du Millennium pour notre 6e édition de la blues party, 5 formations internationales. Voilà, et la programmation est à retrouver sur le www.bluesactu.com. On vous retrouve sur la scène du Blues Café pour 2 titres. Et puis on va se dire au revoir maintenant. En tout cas, bonne continuation et très bonne chance à ce nouvel album Red. Voilà. Un grand merci à toute l'équipe du Millennium. On le dit à chaque fois, mais c'est extrêmement important. Il y a notamment Gilles, Ludo, Seb, Amélie. Merci à eux, en tout cas. C'est toujours une petite prouesse technique. Les enregistrements de ces émissions. En tout cas, un grand merci également à Tienbo et puis merci au studio Magneto, notamment à Russell et Rico qui assurent le mixage de ces émissions. On ne serait pas grand-chose si nous n'étions que tous les deux, Francis, dans cette belle aventure du Blues Café. Red Beans and Pepper Sauce, ils sont prêts, ils sont sur la scène du Blues Café.

C'était ce soir le 124e Blues Café avec les Red Beans and Pepper Sauce. On rappelle leur nom, il y avait Jessica au chant, Laurent à la guitare, Denis à la basse, Serge au clavier et Nico à la batterie. Leur dernier album s'appelle Red et c'est vraiment un album qu'on vous invite à découvrir. On se donne rendez-vous très bientôt, François. Ah oui, le mois prochain, nous recevrons un groupe de Saint-Etienne, Devil Joe and the Backdoor Man. Effectivement, et toute la programmation, elle est sur le www.bluesactu.com et rendez-vous également le 9 juin pour notre 6e Blues Party. Ciao, ciao.